Bien, merci à ceux qui sont venus d'être venus. Merci à Isabelle Félicie de venir nous présenter un de ses derniers ouvrages. Donc Isabelle Félicie est enseignante à l'université après avoir fait des études d'italien. Et elle est enseignée à l'université de Toulon et elle vient de passer le Rhône puisqu'elle est à Montpellier maintenant. Elle est enseignante et aussi chercheuse et ses thèmes de recherche ce sont les mouvements d'immigration des Italiens dans le monde, particulièrement au Brésil et particulièrement les Italiens au Brésil. Elle s'intéresse aussi à l'immigration actuelle en Italie puisqu'elle s'intéresse aux Marocains qui sont en Italie. Intéressée aussi, ses sujets de travaux sont nombreux, elle nous en parlera peut-être après. Travailler sur les Italiens qui sont en Lorraine, dans une petite ville que je connais bien, qui s'appelle Villeneuve aussi. Donc elle pourra parler aussi. Et elle est l'auteur d'un livre qu'elle nous a publié il y a quelques années sur une communauté anarchiste qui a eu lieu au Brésil à la fin du 19e, c'est ça? Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de poésie d'un rebelle, un rebelle mystérieux, puisque son nom n'apparaît ni sur la couverture, ni sur la page de titre, mais dont on voit le nom sur la quatrième de couverture. Et peut-être on aura le temps, il y a beaucoup de choses à parler, peut-être on parlera aussi des enfants d'Italiens, donc c'est comment les parents immigrés ont transmis la langue à leurs enfants. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait toujours plaisir d'avoir une sorte de reflet comme ça dans un miroir. Je me reconnais bien et je suis contente de savoir qu'on a aussi ce point en commun avec Villerue. Ça a attisé ma curiosité parce que c'est tellement peu connu. Alors oui, c'est vrai que Gigi Damian, il nous fait des plaisanteries jusqu'au bout parce qu'on a eu quelques petits soucis avec la couverture, mais ça rajoute finalement, ça rajoute... Oui, mais on est tous coupables, mais en même temps, il a eu l'idée géniale de rougir cette cravate, donc finalement, ça passe très bien. Alors, moi, Gigi Damian, je pense que c'est un nom qui vous évoque rien, et moi non plus, je ne l'aurais pas rencontré si je ne m'étais pas intéressée aux Italiens anarchistes au Brésil, parce que c'est là que je l'ai en quelque sorte rencontré, hein. Je ne dis pas qu'on est devenu amis, mais c'était un petit peu comme un grand-père finalement. Et puis, quand pour des raisons très pratiques, puisque c'était dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui portait sur la presse anarchiste de langue italienne au Brésil, mais en même temps que je trouvais des choses sur cette période-là, j'ai trouvé en bibliothèque, mais là, grâce à Philippe, j'ai un vrai volume entre les mains, donc j'ai collectionné des petits volumes des petits recueils de poésie qui m'ont servi quelques années plus tard, toujours pour un travail universitaire, mais que j'ai la chance de faire, disons, correspondre avec mes intérêts. Donc je l'ai suivi un petit peu partout, y compris à Marseille. Je vous ai ramené d'ailleurs plein de documents sur sa présence à Marseille, parce que après le Brésil, où il est parti très jeune, à environ 19 ans comme ça, où il a passé une vingtaine d'années, donc il est revenu en Italie, où il a été très actif, et puis c'était les années où ça a beaucoup bougé, donc il est revenu en 1919-1920, au moment des deux années du Biennio Rosso, en même temps que Malatesta d'ailleurs, où ils ont été très actifs, et puis bon, vous savez ce qui s'est passé ensuite en Italie, donc il a quand même tenu le coup jusqu'en 1926, et ensuite, là en octobre, il a traversé les Alpes clandestinement, et puis il est passé par Paris, et finalement il est redescendu à Marseille en 1927, où il n'est pas resté très longtemps, parce que je vous raconterai éventuellement les détails, il a été expulsé assez vite. Il est monté vers la Belgique, d'où aussi on l'a mis en prison et il a été expulsé. Enfin, il a eu plein d'histoires. Les démocraties européennes ont mis beaucoup moins de temps que la République oligarchique brésilienne à se débarrasser de lui. Et puis ça circulait très bien, hein, les infos passaient aussi par la police fasciste, bien sûr. Et puis ensuite, donc il est passé un tout petit peu en Espagne en 1931, et puis finalement il a traversé la Méditerranée, il s'est installé en Tunisie, un petit peu parce que c'était un petit peu le seul endroit où il était toléré, hein, il n'avait pas de papier non plus, jusqu'en 1946, et puis là, il est rentré en Italie, où il est mort en 1953. Donc vous voyez qu'on peut faire le tour de l'Europe et de l'Afrique, enfin on peut passer en Afrique, en Amérique, en Europe, dans pas mal de pays grâce à lui. Et donc ce qui m'a intéressée, je connaissais déjà bien la presse et j'ai beaucoup lu aussi, il a écrit énormément hein, dans plein de journaux qui ont paru partout dans le monde, donc c'est pas évident de trouver tout ce qu'il a écrit, je crois pas que j'ai réussi, du moins pour ce qui est des articles encore à avoir l'exhaustivité, mais en tout cas pour les poésies, j'espère encore en trouver quelques-uns, mais j'ai quand même fait le tour de tout ce qu'il a publié. Peut-être je pourrais faire la petite parenthèse marseillaise, d'ailleurs ça pourrait vous intéresser, et puis je vous ai fait la photocopie de ce que j'ai trouvé aux archives en Italie. Alors à Marseille, bon, d'une manière générale, il s'est toujours, tous ses écrits avaient toujours un but de propagande. Et il s'est toujours adapté à la situation de ce qu'il trouvait sur place. C'est-à-dire qu'au Brésil, bon, il a écrit dans des journaux, il a écrit des pièces de théâtre, parce qu'il y avait des troupes pour les représenter, il a écrit quelques poésies aussi déjà. À Marseille, par exemple, il a trouvé aussi un groupe de théâtre d'Italiens, tout près, et qui, je crois que c'était pas très loin d'ici, d'ailleurs, rue François de Paule, à la Plaine. Je ne sais pas si vous savez, peut-être la rue a changé de nom, au Centre Catala. Bon, ah, ça existe toujours. Bon, ben vous voyez, j'ai pas eu la curiosité de chercher. Enfin, peut-être rue François de Paule, 15 La Plaine. Voilà ce qui est écrit sur les petites plaquettes. Et donc à Marseille, il est arrivé j'ai écrit les dates ici, je crois que c'est au printemps 1927, en descendant de Paris, et jusqu'en septembre 1927, il habitait Sainte-Marguerite. Et puis, on sait tout ça parce qu'il avait la visite dans son petit cercle d'amis d'un apothicateur qui avait réussi à s'infiltrer dans son petit cercle d'amis et qui nous raconte tout un tas de choses sur ses fréquentations, sur le courrier qu'il reçoit de partout dans le monde. Et aussi, alors ça c'est très amusant, puisque, dont je vous l'ai dit, il s'adaptait à la situation locale et il a trouvé ce groupe de comédiens amateurs, et donc il a écrit pour ce groupe au moins deux pièces de théâtre. Il y en a une qui s'appelle La Bottega, j'ai le programme ici, je vous ferai passer hein, le programme d'une des pièces de théâtre, et puis une autre qui s'appelle Fécondita, je crois, mais je ne sais pas celle-là si j'ai le programme. Alors ce qu'on a, c'est que on a le compte rendu par l'indicateur en question de la pièce de théâtre. Donc c'est assez amusant, surtout quand on la compare par rapport au texte. Bon, j'ai dû traduire des petits bouts là-dedans, mais je sais qu'il y a des gens qui parlent italien, donc ça les amusera un petit peu. Hein. La prose des indicateurs de police, souvent, c'est assez amusant. Enfin, ça, c'est très instructif en tout cas. Bon, évidemment, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais on apprend des... Et alors, je vous ai dit qu'il a un de ses fils d'ailleurs qui est né à Marseille, hein, qui s'appelle André, qu'on a appelé André. Et puis, en 1927, peut-être que certains de vos parents l'ont connu, je ne sais pas, ce sera amusant. Et ensuite, je vous ai dit donc qu'il avait été expulsé parce que bon, il y avait pas mal d'Italiens forcément dans tout le sud. Il avait été prendre des contacts vers Nice ou la Côte d'Azur, Jean Lépin, etc. Et puis, malencontreusement, ça s'est tombé au moment où il y a une Casa del Fascio, ou Casa d'Italia, Casa del Popolo, selon les cas, elle avait différents noms, à Jean Lépin qui a explosé. Et c'est d'ailleurs, on a su après que c'était un, là, il y a eu des vrais attentats anarchistes, comme à Aubagne, par exemple, en 1932. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en celui-là, c'était un pseudo-attentat. C'était vraiment monté par le parti fasciste, et ça a été une occasion pour faire un gros ratissage, et tous les gens qui avaient été soupçonnés de qui avaient disons une mauvaise réputation, on va dire, ils sont partis. Alors il raconte qu'il a quand même pu négocier de ne pas être envoyé à Vintimille, mais d'être expulsé. Il a été expulsé en Belgique à ce moment-là. Hein. Donc vous voyez, c'était quelques mois c'était très court, mais très intense quand même, parce que ce qu'il a fait aussi en plus de ces pièces de théâtre, il était jusqu'en octobre 1926, il avait encore un périodique. Hein. Bon, il a été le rédacteur, un des principaux rédacteurs de Humanita Nova avec Malatesta, à qui on était le directeur, mais c'était lui qui écrivait pratiquement tout et qui assurait la rédaction, même une fois que ça avait été démantelé, saccagé par le fascisme à Milan. Il a remonté tout ça clandestinement à Rome, enfin. Et après, là, ils ont dû fermer aussi, parce que Humanita Nova, c'était en 1922, ça passait plus, jusqu'en décembre 1922, je crois, quand même. Et ensuite, il a eu d'autres publications, donc il avait encore un petit peu de fonds avec lesquels il est venu à Marseille. Et de là, il a publié aussi un périodique qui s'appelait « Non molliamo », ce qui veut dire « ne lâchons pas prise » ou « ne laissons pas tomber », quoi. Et qui portait l'inscription « Milan » pour faire croire que c'était que encore en 1926-27, il y avait encore des gens en Italie qui étaient publiés... qui pouvait publier ce genre d'ouvrage. Et puis il s'était mis d'accord, en particulier avec Malatesta, pour avoir des timbres, et donc ça passait par des filières dans des bateaux, et ensuite c'était envoyé un peu partout, et il disait oubliez-le dans le train, donnez-le à quelqu'un, même dans la rue, enfin voilà le genre d'entreprise qu'il avait mené, qui demandait quand même pas mal d'investissement, d'énergie. Hein. Bon, il avait déjà un certain âge, il n'était pas en très bonne santé, et si on sait justement ce qui ne va pas s'améliorer avec son séjour en Belgique, d'ailleurs, il n'a pas du tout aimé le temps gris là-bas, ça ne lui a pas plu du tout, il y a plein de lettres où ça... Enfin, ça c'est une parenthèse, et... voilà son parcours, sa parenthèse marseillaise. Alors, les poésies, donc je vous ai dit qu'il en avait fait quelques-unes au Brésil, mais c'était encore, disons qu'il s'est un petit peu essayé, quoi. Il n'a pas fait de recueil, il n'avait pas beaucoup de temps, parce que, bon, je ne vous raconte pas tout ce qu'il a fait au Brésil, ce sera un petit peu trop long, mais c'était une parenthèse par goût, de temps en temps, il y avait un petit... Souvent, c'était plutôt au niveau du divertissement, disons, pour se moquer d'un évêque qui arrivait, ou pour... des fois, c'était un peu plus philosophique, comme ça, enfin... Mais il n'y avait pas, disons, de structure, et petit à petit, à partir du moment où il... Surtout à partir du moment où il revient en Italie, en fait, ça commence à se formaliser un petit peu. Sauf que ça devenait compliqué quand même de publier. Hein. Il avait par exemple imaginé un volume qui aurait dû s'appeler Eurythmie de l'exil. Bon, je traduis directement. Et puis finalement, bon, on peut le reconstituer parce qu'il en a publié des bouts dans tout un tas de revues pendant 10-15 ans, comme ça, mais ça n'a jamais pris la forme d'un volume. Alors que vers la fin de sa vie, donc, il a eu un petit peu plus de l'occasion, il en a publié 3 comme ça. Donc si on parle de ses poésies, et si on regarde vraiment ses poésies, c'est les poésies, disons, d'un homme mûr. Hein, c'est d'autant plus que, alors quand il était en Tunisie, où il a passé quand même toutes les années de guerre, et d'après les lettres qu'on a, il a passé quand même des années assez difficiles, hein, y compris où les gens avaient faim, et bon, il avait un certain âge, il avait du mal à trouver du travail, il n'avait pas de papier, donc c'était une situation assez délicate. Donc je suppose que militer dans ces conditions-là, continuer à écrire, c'était compliqué, d'autant plus qu'il devait les envoyer, ces textes, par exemple, dans un journal publié en Amérique qui s'appelle La Donata dei Refrattari, mais ça passait pas la censure. Les articles, les seules choses qui passaient la censure, en fait, c'était les poésies. Donc c'était, bon, pas vraiment une solution de repli, parce qu'en même temps, il aimait beaucoup ça, hein, il s'est beaucoup spécialisé, il a fait vraiment... il y a des passages un peu techniques dans le volume, parce qu'il a vraiment respecté des règles de la poésie italienne, il s'est vraiment compliqué. Hein, où, bon, je ne vais pas vous faire si vous voulez, vous expliquer comment ça marche la poésie italienne, mais vraiment, il respecte les accents toniques, les rimes, les constructions, il imite des grands poètes italiens très classiques, des poètes nationaux d'ailleurs, enfin, c'était vraiment une passion, mais toujours avec un but, je crois qu'il n'y a aucune poésie, je dirais pas gratuite, mais enfin, il a toujours cette même volonté de transmettre l'idéal anarchiste. J'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé à parler. Ça fait un quart d'heure. Bon, d'accord. Donc je commence. Alors peut-être. Bon, moi j'ai relevé quelques thèmes, par exemple, dans ce qui est intéressant dans ces poésies, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait il y a toute une veine. D'abord, il n'est pas du tout moderne, c'est-à-dire quand il publie en 1940, il y a déjà eu des grands poètes italiens comme Montale, Ungaretti, par exemple, Quasimodo, qui ont révolutionné la poésie italienne. Et lui, au contraire, il a comme modèle des poètes du 19e siècle, soit de ces poètes du Risorgimento, c'est-à-dire de ceux qui, avec qui il se trouve beaucoup de points communs, puisque eux aussi ont combattu pour un idéal, celui de construire une Italie unie, évidemment un idéal différent du sien, mais il prend, d'ailleurs dans tout ce qui l'inspire, il prend ce qui peut servir, il adapte en quelque sorte à ses idées. Et donc on retrouve les images, les armes, les batailles, la foule, des choses comme ça. Il n'est pas très inventif, on va dire, au niveau de la poésie, hein. Mais en revanche, il sait bien l'adapter à ses propres idéaux. Donc c'est pas peut-être maintenant, ce serait intéressant d'ailleurs de comparer, par exemple, avec les artistes qui font des arts plastiques. Lui, il est vraiment assez conventionnel du point de vue formel. Donc c'est vraiment au niveau des thèmes qu'il aborde qu'on peut trouver, qu'existe, comment dire, que passe le message, en quelque sorte, pas au niveau de la forme. Alors, j'ai sélectionné quelques poésies, comme ça, que je pourrais peut-être vous lire, ou que certains, peut-être, auraient envie de lire, s'ils ont envie de ressortir leur italien. Oui, alors, il y en a. Alors, une autre caractéristique aussi, pas seulement de ses poésies d'ailleurs, mais de beaucoup de ses textes, c'est qu'il était d'une ironie caustique, même par rapport à lui. C'est-à-dire que quand il est très malade, à la fin de sa vie, il perd la vue et puis il a mal partout en quelque sorte. Mais alors, quand on lit ses lettres, il s'était lié d'amitié avec. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui qu'on connaît, Pino, j'ai oublié comment il s'appelle, mais je vais le retrouver dans l'index. C'est amusant parce que tu dois connaître Amedeo Bertolo à Milan, qui, Amedeo Bertolo, raconte dans l'autre interview que tu n'as pas mise ici, l'anarchisme en personne, que, il raconte que c'est ce Pino, j'ai oublié son nom de famille, mais il va me revenir, qui c'était un petit peu le modèle de l'anarchisme en quelque sorte, et il lui a transmis le vieil anarchisme. Enfin. Et c'est exactement le même rapport que Gigi Damiani a eu avec ce Pino, puisqu'ils sont, enfin, c'est des générations se succèdent comme ça. Hein. Donc, c'est amusant de voir que dans l'anarchisme d'aujourd'hui, même si Amédée commence lui aussi à avoir un certain âge maintenant, il y a une sorte de continuité comme ça, hein, en Italie. Et donc, même quand il raconte, après, quand il est rentré en Italie, il avait des soucis de santé, d'argent, machin, etc., et la famille anarchiste a fonctionné, puisqu'il a trouvé pas mal d'aide, en particulier par cet intermédiaire-là. Mais il fait jouer cette ironie. Enfin, il a mal aux jambes, il voit plus clair, machin, mais il se plaint jamais, et au contraire, il se moque de lui-même. Donc, c'est quelque chose qui est assez... c'est peut-être ça qui lui a permis aussi de tenir si longtemps. Et du coup, quand il s'en prend à d'autres, par exemple au président du conseil italien pendant le Ventennio, ça prend des accents assez amusants. Hein, on le voit dans des situations les plus cocasses. Et puis, par exemple, on le voit, et souvent c'était illustré, donc on a essayé de mettre quelques illustrations, là, c'est une caricature, je ne pense pas que ce soit lui qui ait fait les caricatures, parce qu'il dessinait aussi, et il a vécu tout un moment de ses dessins, en fait, hein, de décors de théâtre, où il dessinait sur des coussins, enfin, il trouvait des moyens de subsistance comme il pouvait, donc il y a des choses très caustiques, aussi sur Mussolini, ici, qui est emporté par la mort et à qui cela provoque des troubles gastriques. Enfin, c'est un peu trivial, souvent, où là, il y a une histoire de cochon. Enfin, et donc, c'est vraiment une des armes qu'il utilise le plus souvent. Et puis, parfois, ça prend des accents dramatiques. Par exemple, là, je pourrais vous citer à page 99, il écrit au moment de la guerre coloniale lancée par Mussolini en 1935, il y avait une expression comme ça qu'utilisaient les hommes politiques pour, pas seulement en 1935, c'était pas la première expédition coloniale italienne, et déjà avant, en 1911, même avant, à la fin du 19e siècle, on disait aux Italiens qu'ils pouvaient aller chercher un posto al sole, une place au soleil. Donc il a écrit cette poésie, Il posto al sole, et en fait l'histoire de la poésie, c'est que voilà, effectivement ce soldat s'est retrouvé à terre, et puis c'est son squelette qui parle, et ses os effectivement ont bien trouvé un posto al sole. Alors, donc par exemple, je sais pas, je pourrais vous citer ce... Là, en 1935, c'est en Abyssinie, ça, c'est l'Éthiopie, quoi. Durant la guerre civilisatrice en Éthiopie. Alors voilà ce qui... Alors c'était aussi le moment où... Bon, un des grands... En fait, les guerres coloniales italiennes ont été aussi bien en Libye, un peu plus tôt, qu'en Éthiopie, ont été gagnées grâce à l'aviation. Mussolini avait mis tout sa puissance pour développer cette arme, et d'ailleurs ils ont gagné quelques galons, disons qu'on a un peu arrêté de se moquer de l'Italie au moment où comment est-ce qu'il s'appelait ce pilote là, allait traverser l'Atlantique et il allait faire des choses. On m'a raconté que même où j'ai lu des témoignages, même des antifascistes, en fait, on les a un peu moins montrés du doigt d'être italiens, parce que il y avait eu ces traces volates, c'était Italo Balbo, je crois, le nom du pilote en question. Et donc, il utilise lui aussi, comme c'est cette guerre civilisatrice, grâce à ses avions, etc., donc il utilise aussi cette idée. Et voilà, si vous voulez suivre en même temps, je vous lirai la traduction après. che voi nella Carlinga portavate la civiltà che fa piazza pulita da Bissigna lo San Borghe Vallate, lo San de Grame genti spaurite combuste insieme alla foresta vita. Dal ciel piovea su loro l'iperite ed era vostro merto, o italici piloti, aumentare il deserto per gli italiani loti. Alors en traduction, alors c'est ma traduction, hein, que j'ai pas fait des rimes, mais j'ai essayé d'être proche du sens du texte. Les bourgs et les vallées d'Abyssinie savent que vous apportiez dans vos carlingues la civilisation qui fait table rase, comme le savent les peuples effrayés brûlés en même temps que la forêt de leurs ancêtres. Du ciel pleuvait sur eux l'hypérite, et c'était à vous que revenait le mérite. Là j'ai réussi à faire les vers. Ô pilotes italiques, de rendre le désert plus vaste pour les esclaves d'Italie. Parce que l'idée, enfin la motivation de cette guerre, enfin ce qu'on disait dans les journaux, etc., et ce que certains ont cru, c'est que ces terres étaient riches et qu'enfin les Italiens, au lieu d'aller enrichir avec leurs bras les pays qu'ils avaient d'ailleurs contribué à découvrir, l'Amérique du Sud, on ressortait Christophe Colomb, machin. Non seulement on a découvert leur pays, mais en plus maintenant il faut qu'on aille faire les esclaves là-bas. Nous, au contraire, on sera chez nous enfin et on aura des terres riches, fertiles. Tout le monde sait qu'en Libye, par exemple, la Libye c'était 1911, mais on disait que c'était ces sauvages, bien sûr, qui ne savaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas mettre en valeur ces terres, alors que du temps des Romains, c'était des jardins fertiles, etc. Oui. Au moment du fascisme. Ah ben c'est sûr. Voilà. Ouais, donc l'idée c'était ça, hein, qu'il fallait conquérir, il fallait que l'Italie aussi... conquiert son empire colonial, d'autant plus que quand même ils avaient eu la première défaite européenne contre des sauvages, les soldats de Ménélik, qui étaient d'ailleurs fournis en armes par les Anglais par l'intermédiaire d'Arthur Rimbaud, comme vous savez peut-être, mais on ne pensait pas que ces sauvages pourraient avoir le dessus, et ils ont eu plusieurs défaites terribles. Hein. En 1896, il y a une ville à Adwa, par exemple, où il y a eu plusieurs défaites terribles. Donc il fallait aussi se venger un petit peu, enfin un petit peu, se venger. Voilà. Et puis, la même image de ces avions, il l'utilise aussi au moment de la guerre d'Espagne. D'ailleurs, où il n'était pas en Espagne à ce moment-là, parce que des fois, je vois sur Internet des choses. On me dit que Gigi Damian était en Espagne au moment de la guerre d'Espagne. Pas du tout. Il était déjà en Tunisie à ce moment-là. Il avait déjà un certain âge. Il était devenu veuf, enfin. Bref. Donc, il écrit à ce moment-là, toujours page 99, « Mai di sangue rovine sazi e stracchi, voi distruggete casolari e scuole, bagnate il vostro pane nel sangue dei bambini. » Ça a des accents assez tragiques. « Jamais repu de sang ni de ruines, jamais épuisé, vous détruisez des fermes et des écoles, vous trempez votre pain dans le sang des enfants. » Voilà, ça, c'est... Bon, mais c'est vrai que l'aviation de Mussolini a été épaulée, le général Franco, hein, donc... Alors ça, c'est un des aspects... Alors, bon, c'est un sujet que je n'ai pas encore eu l'occasion de traiter, mais évidemment, il était contre les guerres coloniales. En même temps, il vivait dans un pays colonisé. Donc, c'est un sujet que j'aimerais bien creuser. Et en même temps, il n'a pas vraiment écrit sur ses rapports avec les Tunisiens, enfin, les indigènes. Hein, il était vraiment intégré, bon, il est resté quand même de 1931, 31, 32 à 1946, ça fait 14 ans en Tunisie. Mais je pense qu'il n'était pas tout à fait libre vraiment d'écrire tout à fait ce qu'il voulait parce que l'administration française. Parce qu'il a aussi participé à un journal, enfin, devait quand même beaucoup surveiller. Mais en tout cas, les petites, j'ai pas trouvé, j'étais un petit peu déçue qu'il n'y ait pas eu plus de choses sur ce côté-là. En même temps, c'est peut-être un anachronisme que de chercher des choses comme ça dans les années 30-40. Bon, je pense que ça pourrait être à creuser. Hein. Mais disons qu'il utilise cet aspect comme ça, un peu grandiloquent, on peut le dire, mais il n'y a pas vraiment recherche de... Bon, quand il parle, par exemple, dans ses lettres des indigènes, c'est pour dire qu'ils font facteur adventit, c'est-à-dire saisonnier, enfin remplaçant, ou comme disent les Arabes, Inch'Allah, comme disent les Arabes, ou je sais pas quoi, enfin, mais il n'y a pas vraiment d'échange. Hein, ça. En même temps, peut-être que, comme il vivait dans la capitale, c'était simplement la façon de vivre à ce moment-là. Il avait des échanges avec les Français, mais... Enfin, voilà, ça c'est une interrogation à laquelle je dois encore répondre. Donc, d'autres sujets peut-être que... Peut-être celui de la... Donc, je vous ai dit que ces poésies, hein, elles prennent cette forme relativement construite, vraiment, vers la fin de sa vie. Et d'ailleurs, il y a certaines... Son dernier recueil, donc celui-là, il a été financé par un groupe de Turin. Il y en a un autre qui a été financé, je crois, par Humanita Nova. Qu'il a financé à compte d'auteur. Donc, ce qui veut dire quand même que... D'ailleurs, il écrit un autre, Ugo Fedeli, dont vous connaissez peut-être le nom aussi, qui a d'ailleurs fait sa biographie. Il lui écrit, si jamais tu connais une librairie à qui je pourrais déposer Donc c'était vraiment, ça lui tenait à cœur. Hein. Et donc son dernier, qui s'appelle d'ailleurs Diabolica Carmina, un vers diabolique, il l'a vraiment construit en quelque sorte. Hein. Et donc comme c'était dans ses recueils de la maturité, il se pose aussi des questions que peut-être on se pose avec l'âge venant. Et puis, bon, j'ai peut-être passé un peu vite sur les étapes qu'il a franchies. Il a vraiment connu des... Peut-être il y a des gens qui ont connu pire que lui, mais vraiment, dans sa vie de militant, il a vraiment traversé des périodes difficiles. Donc, souvent, il y a plusieurs poésies, dans celle-ci qu'il reprend d'ailleurs d'une autre publication, où il s'interroge un peu sur, sur la solidité de sa, je ne vais pas dire sa foi, mais de ses convictions, voilà. Quoique il utilise le mot foi, hein, les anarchistes italiens souvent... ont tout un... Oui, c'était d'ailleurs le nom d'une de ses publications. Hein, il n'est pas le seul, hein, Pietro Gori aussi. On utilise souvent la métaphore chrétienne, hein, parce que ça fait aussi partie de la culture, surtout italienne. Hein, donc, alors là, par exemple, il a une poésie qui s'appelle « Tieni duro »,« Tiens bon ». Et voilà ce qu'il dit. Spina dorsale mia, che sempre ritta sei giunta verso il fin dell'esistenza, che non piegasti mai nella sconfitta, e che caparbia nella resistenza, sfidasti la bufera del dolore, l'angoscia che ti inclina allo sconforto. Resisti ancor che son brevi l'ore, che di un vivo faranno un freddo morto. Resisti dell'età agli acciacchi e al peso. Donc je vous disais que même quand il met des éléments personnels, comme c'est le cas ici, je vais vous donner la traduction, c'est toujours en fonction de ses convictions qu'il veut faire partager. Ma colonne vertébrale, toi qui es arrivé bien droite vers la fin de l'existence, toi qui jamais n'as plié dans la défaite et qui tenace dans la résistance à défier la tempête et l'angoisse, de la douleur qui pousse au découragement, résiste encore, car brèves sont les heures qui, aux vivants, donneront la froideur de la mort. Résiste aux infirmités et au poids de l'âge. Donc, il parle pour les autres, il parle aussi pour lui-même. Et d'ailleurs, dans ses poésies de la maturité, on peut dire de la vieillesse, enfin, il n'est pas mort très vieux, il est mort à 73 ans, mais on va dire de la maturité, voilà. Il utilise aussi des figures comme celle de Boccace, par exemple, qui était qui était anticlérical, enfin toute sa vie a écrit contre la religion, et puis qui à la fin de sa vie a repris la religion catholique. Est-ce que c'était une peur qu'il avait pour lui-même parce qu'il a grandi, enfin il n'a pas vraiment grandi, il est né dans une famille très bigote, bon, il était orphelin de mère et il a connu un maison de redressement, prison pour enfants, à l'époque ça existait déjà, on peut dire, oui. Et est-ce que... oui, il a beaucoup lu la Bible aussi, qu'il utilise toujours en la renversant, un petit peu comme utilisent les poètes romantiques, comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que c'était quelque chose, une peur qu'il avait? En tout cas, il y a de nombreuses poésies comme ça, où il ressent un petit peu le besoin de se rassurer lui-même, en quelque sorte. Hein. Il y en a une de ces dernières qui s'appelle Les roses du désert, comme les roses du désert, vous savez, c'est les roses des sables, voilà. C'est peut-être la seule où vraiment, disons, il faut interpréter un petit peu pour voir le lien avec son idéal. Mais là, il y a une dimension, je crois, on peut dire mystique, puisqu'il utilise lui-même... l'adjectif, là, j'ai perdu la page. Voilà, alors il s'adresse à ces roses des sables et disons qu'il s'étonne. Voilà, il transmet son étonnement. Di teci, chi vi fece? Quale mistico accoppiamento pronubo fu dei natali vostri in quell'oceano che sol sabbia moltiplica? Dites-nous, c'est page 168 pour ceux qui veulent suivre, dites-nous qui vous a fait, quel accouplement mystique est à l'origine de votre naissance dans cet océan qui ne multiplie que du sable. Hein? Donc on voit là, dans cette poésie, les questionnements qu'il n'avait pas quand il était jeune et qui arrivent, on peut dire, en tout cas qu'il exprime, peut-être qu'il les avait, mais là il les exprime de façon... plus clair avec l'âge. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à cette poésie, il donne une explication que je ne sais pas si à l'époque on connaissait la raison. Les scientifiques avaient déjà montré comment se forment les roses des sables. Et en tout cas, il explique que voilà, une des rares fois, il parle des indigènes. Le bédouin des déserts libyens, imaginatif et superstitieux, croit avoir résolu l'énigme de la formation des roses de sable en l'attribuant de façon très prosaïque à l'urine des chameaux qui giclent fougueusement sur les monticules de sable. Ils disent toujours. Voilà. Ils disent toujours ça. Bon, alors j'ai lu l'explication scientifique parce que c'est dû à... J'ai oublié. Non, ça traverse. Non, ça traverse. Non, c'est pas ça. J'ai oublié l'origine scientifique parce que j'ai lu pour me par curiosité et puis bêtement, j'ai pas mémorisé. Mais c'est une histoire de. Il faut que ce soit quand même il y a un concours de circonstances en fonction de l'eau qui doit traverser telle ou telle roche. Enfin, il y a des raisons scientifiques très. Oui, c'est joli. Enfin, il est quand même un peu dubitatif. Voilà. Et puis, peut-être, je vais vous en lire encore une autre sur cette même thématique, avant de passer à quelque chose d'un peu plus rigolo. Donc, une de ces dernières aussi, dont le titre montre, qu'il avait un peu... qu'il avait en quelque sorte... admis qu'il arrivait à la fin de son parcours, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, il avait perdu la vue quasiment. Hein, il avait, je ne sais plus quelle maladie pour laquelle il s'était fait opérer plusieurs fois, y compris en Tunisie, etc. Et il avait toujours l'espoir de retrouver quelques petites parcelles de vision. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est d'ailleurs significatif parce que dans cette poésie qui est à page 171, enfin un extrait, il utilise beaucoup le verbe « voir », justement. Et cette poésie s'appelle « Ti chiudo finestra », je te ferme aux fenêtres. Hein. « Vedere che cosa mai cambia la scena, sono sempre le stesse persone che mostri, sono birri, sono ladri, sono preti adiposi, strozzati o strozzini che aguzzano i rostri, funamboli arditi che attendono ansiosi d'andare al governo, poi sempre la stessa legione di servi che curva la testa, va al gioco, alla guerra, che ascolta la messa e fa del tiranno sua propria la festa. E quando un ribelle cammina alla morte, schiamazza contenta, ma intanto si stringe per freddo, per fame si piega la sorte che impone chi regna, chi truffa, chi finge. Donc ça a l'air un petit peu, on va dire, pessimiste. Voir, mais quoi? La scène ne change jamais. Tu montres toujours les mêmes personnes, des sbires, des voleurs, des prêtres adipeux, des escroqués ou des escrocs qui aiguisent leur bec, des funambules hardis qui attendent anxieusement d'entrer au gouvernement. Et puis toujours la même légion d'esclaves qui, la tête courbée, avance sous le joug, se rend à la guerre, écoute la messe et festoie le tyran. Et quand un rebelle s'achemine vers la mort, contente, elle s'égosille, mais en même temps elle se recroqueville à cause du froid. À cause de la faim, elle se plie au destin que lui impose celui qui règne, qui trompe et faim. Donc, on pourrait croire qu'il s'est laissé, l'âge aidant, aller au pessimisme, si justement, quand même, à travers cette fenêtre qu'il ferme, il ne continue à voir, mais en rêve, le monde libre et juste pour lequel il s'est toujours battu. Je vous lis la dernière ligne de mon texte. « Toujours persuadé que les hommes le connaîtront un jour, car, affirme-t-il, giustitia sarà inesorata e fonda. » La justice adviendra inexorable et profonde. Alors, pour ne pas finir sur une note trop triste, je vais vous lire quelques autres. Je vous ai dit que c'était un... Donc, il avait baigné dans une atmosphère très... Bigote, sa grand-mère, sa belle-mère, peut-être son père aussi. Et puis, et donc c'était un grand lecteur de la Bible. Son père était boutiquier, donc ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour lire, mais lui avait le goût de. C'était un autodidacte. Hein. Et donc je pense que la Bible a dû être un de ses livres de lecture. Et puis, bon, il y a des histoires qui l'ont intéressé beaucoup. Mais donc qu'il a beaucoup réutilisé pour à contre-pied, où il écrit par exemple un texte, c'est pas une poésie, mais il écrit un texte où il parle de la Trinité, par exemple, il dit alors si le Père et la Mère, mais alors le Fils, enfin, il comprend plus, il tourne ça en dérision. Et puis les prêtres aussi sont souvent la victime de cette ironie dont je vous parlais. Donc si j'ai sélectionné un ou deux passages qui vont sûrement plaire à Gilbert maintenant qu'il est revenu, mais les autres je les connais moins, donc je peux pas. Alors attendez. Par exemple, dans une poésie, ah oui, quand même, il met dans plusieurs textes, il met le Christ en scène, en chair et en os, hein, il lui trouve même une barbe, etc. Il le fait rencontrer, c'est pas une poésie, mais c'est une petite scénette, il le fait rencontrer Jules Bonneau. Et alors, il a inventé le dialogue entre les deux, et c'est assez amusant. Et puis aussi, un de ses derniers textes, qui a d'ailleurs été publié posthume dans Humanita Nova, donc il était revenu en Italie au moment où la démocratie chrétienne était en train de noyauter tout le pays, donc c'était devenu sa cible, hein. Je vous ai dit qu'à chaque fois il s'adaptait à la circonstance, donc là la démocratie chrétienne a eu droit à son... a été, disons, l'objet de pas mal d'ironies. En particulier, il imagine qu'il sortait le soir dans Rome pour aller au journal, après s'être bagarré avec le typographe d'ailleurs, qui met des petites choses amusantes comme ça, parce qu'il voulait mettre Idan et Dell'amore, enfin j'ai oublié les détails, bref. Et puis il rencontre quelqu'un qui visiblement avait les marques d'une bagarre, et en fait il comprend que c'était Jésus qui venait de se faire mettre dehors par la, dans la, le local où se réunissait la démocratie chrétienne locale. Donc c'était, c'était assez, assez amusant. Et donc là, le petit extrait que je vous cite, d'ailleurs, il n'y a pas que les anarchistes italiens qui font ça. Hein. Si vous lisez Caroline Granier, elle a écrit sa thèse sur, sur les auteurs français, elle utilise aussi, hein, elle fait toute une liste de... Bref, alors là, c'est, elle, il s'amuse à mettre des mots dans la bouche de Judas, de Simon, pardon, qui gronde Judas d'avoir vendu Jésus à un prix aussi bas. Ça s'appelle abilità commerciale. Et il lui dit, tu rovini il commercio, disse al Cristo, aspetta la sua morte, poi vedrai quel che farò col Cristo. Solo coi chiodi e legno della croce farò fortuna. En français, ça pourrait donner... « Tu gâches les affaires, dit-il au triste individu. Attends un peu qu'il soit mort et tu verras ce que je ferai avec le Christ. Rien qu'avec les clous et le bois de la croix, je ferai fortune. » Et puis les prêtres aussi. Alors là, alors de temps en temps quand même, il y a aussi... Il avait écrit un roman en particulier en 1921. Donc c'était le moment où il rentrait en Italie. Il était très content de rentrer en Italie, hein, et après son exil au Brésil. Et en plus, il s'est marié, je crois, vraiment marié, de façon très conventionnelle. Mais bon, avec la fille, je crois quand même, d'un camarade qui avait 30 ans de moins que lui. Bah, qui malheureusement est morte en arrivant en Tunisie, d'une septicémie à l'époque... Ça pardonnait pas, mais bon, il est ce roman est prime sautier. Enfin, il se passe plein de choses, un petit peu olé olé aussi, de temps en temps, il néglige pas les petits détails, pas sulfureux, mais disons un peu grivois, voilà, merci, je cherchais le terme. Et alors là, par exemple, il a une poésie qui s'appelle Aphrodisiaca, Aphrodisiaque. Et il parle d'une... En fait, il met en scène un prêtre concupiscent. C'est quand même pas mal, je trouve, un peu macho. Mais bon, là aussi, c'est sûrement l'époque qui veut ça. Vers sa vieillesse aussi, il se rattrape un petit peu là-dessus. Oui, c'est un peu l'Italie, c'est un peu l'époque. Et puis, non, franchement, il est un peu macho. Hein, bon, on peut pas être parfait. On peut pas être parfait. Comment ? Ah, les anarchistes sont rarement, à part Giovanni Rossi, comme j'ai pu l'écrire ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont à la pointe sur cette affaire-là. Bon, je vois que nous sommes d'accord. Alors voilà ce qu'il écrit. Il parle, ça se passe dans une sorte un cabaret en fait, et on voit une danseuse dont les mouvements voluptueux, les regards languissants, la chevelure défaite conduisent un prêtre à se ruer sur la scène pour la serrer dans ses bras. Et là, voilà ce qu'il écrit, c'est pour et prête, sei la veste stracci e in calzoncini salti sulla scena e forse nato al petto te la schiacci. Même si tu es prêtre, tu arraches tes habits, tu sautes sur la scène en caleçon et comme un forcené, tu l'écrases contre ta poitrine. Et puis alors, il y en aurait plein d'autres. Hein. Il y a aussi, pour faire le lien entre ces textes un peu grivois et les textes bibliques, vous connaissez peut-être le Cantique des Cantiques, dans la Bible, où c'est... Alors, on interprète que c'est l'Église qui s'est mariée avec Dieu. Alors que, quand on lit... Comment ? Voilà, de lait, c'est très joli d'ailleurs, c'est un très beau texte, mais alors c'est vraiment, il n'y a pas de censure, quoi, on n'a pas peur des mots. Et donc il tourne ça aussi, malheureusement je vais peut-être pas repérer le passage tout de suite, mais d'ailleurs il cite le passage en latin, je ne sais pas s'il lisait la Bible en latin, mais en tout cas ici. Et puis il glose un petit peu autour de cette... On raconte que tu es des siècles plus tard, on dira que tu es l'Église, mais moi je sais bien qu'on t'a mis sur l'autel. faire ce que vous imaginez, voilà. Donc je vous ai présenté quelques facettes de Gigi Damian, mais on peut peut-être en... D'abord, je peux peut-être vous faire passer ces documents, et puis on peut peut-être... je peux développer un aspect ou l'autre. Il a retourné. Non, il a tourné, hein. D'abord, tu as dit qu'il y avait juste une petite biographie sur lui, d'ailleurs, je l'ai écrite, pour vous rendre compte qu'il y a... Ah, si tu me l'avais acheté aussi. Oui, elle était nettement plus chère. Ah bon, mais c'est pas grave, je l'ai en photocopie. Et dans la Florence, dans 2 ans. Ah oui, il y avait plusieurs, il y avait au moins 4 ou 5 ouvrages de la BNB, je pense. Ah bon, bon, tu me diras l'adresse. Ben, on peut... C'est ceux qui étaient liés à Fiamma, là, qui étaient au même centre que Fiamma. Ah, sur le... Tu demandes à Fiamma. Ah, d'accord. Il y avait une librairie d'Ocas. Non, c'est le libraire de Mathieu Emilien. Voilà. Andrea... Ah, ben je vais me renseigner alors. D'accord. Il en a plusieurs. D'accord, donc, très bien. Les sources, elles n'ont pas l'air très importantes, donc vous pouvez fouiller dans les archives de... Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Alors, oui, donc je vous ai dit que j'ai rencontré Gigi Damian au moment où j'ai fait ma thèse de doctorat, donc où j'avais beaucoup traîné. Oui, mais j'ai rencontré comme ça. Je l'ai rencontré entre guillemets, voilà, j'aurais dû faire le signe. Et donc, c'est vrai, je crois que... Bon, mais même dans ces textes en prose, il y en a un d'ailleurs que j'avais publié en pré-publication, enfin dans un ouvrage de Circé, justement, parce que j'avais aimé sa plume, j'avais aimé ses façons d'écrire. Bon, il a écrit beaucoup d'articles théoriques, beaucoup d'articles. C'est un grand lecteur de la presse aussi, souvent, il commentait la presse. Mais j'avais aimé les côtés un peu plus littéraires, disons, de son œuvre. Moi, je ne suis pas historienne, hein, je suis de formation, je suis italieniste. Donc, c'est vrai que ça... En même temps, il a été... il a eu tellement d'entre-gens, on va dire. Enfin, sa famille anarchiste était tellement élargie que c'est vrai qu'on le trouve dans beaucoup d'endroits. Donc, ces textes-là, je les ai trouvés à Pise, par exemple... Mais j'en ai trouvé. Il était aussi, comme il a été antifasciste, donc il était à Marseille, il a été à Paris, il a connu aussi les milieux antifascistes non anarchistes. On parlait, je ne sais plus avec qui, de la Ligue des droits de l'homme, Campo Longhi, qui a d'ailleurs essayé de le faire rester en France, qui n'a pas réussi. Donc, c'est vrai que c'est surtout à Amsterdam, quand même, que j'ai trouvé la plupart des choses, donc pour ces textes. Et puis, en feuilletant, comme Fedeli, c'est vrai qu'elle est courte, cette biographie, mais il y a quand même une bibliographie, donc je suis allée voir, chercher tout ce qu'il indiquait. J'en ai trouvé d'autres, en cherchant. Hein. Et puis aussi, donc, j'ai été aux archives, à Rome, en particulier donc dans ce qu'on appelle le Casellario Politico Centrale, le fichier central, politique central, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas du tout été instauré par le régime fasciste, mais en 1894, quand on a lancé une grande chasse aux anarchistes, aux socialistes et autres subversifs, bon, effectivement que le régime fasciste a largement déployé, mais dès 1897, quand Damian y part au Brésil, il est déjà fiché, hein, parce qu'il avait déjà été en résidence surveillée, etc. Donc, il a un assez gros fichier. Et puis, je suis allée aussi compléter en cherchant les noms de toutes les personnes avec qui il était en relation. Bon, Malatesta, par exemple, toutes les lettres, donc les lettres de Malatesta sont publiées, mais les lettres de Damian à Malatesta ne sont pas publiées, pas encore, mais sont dans le dossier de Malatesta. Je les ai toutes retranscrites. C'est effectivement un long travail. Et puis, ensuite, ce qui est formidable dans les archives, c'est que régulièrement, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, on fait de nouveaux versements. Donc, entre le moment où j'ai fait ma thèse et où j'ai fait cette recherche, il y avait un nouveau versement, donc ce qu'on appelait fascicoli personali, des dossiers personnels, donc il y avait encore quelques autres documents, par exemple, les dossiers sur Marseille, là, je les ai trouvés. Je crois que c'est aussi aux archives centrales de l'État, mais on peut aussi regarder aux archives du ministère des Affaires étrangères à Rome. Et donc, il y a des rubriques anarchistes italiens en France, par exemple. Et là, il y avait un gros paquet sur Marseille. Et puis, etc. Donc ça, c'était effectivement, c'est un gros travail. Et c'est pas fini. Par exemple, pour la Tunisie, j'ai pas encore fait ce travail-là et je sais pas si j'aurai le temps de le faire un jour, j'aimerais beaucoup, mais ce serait indispensable. Je sais pas si je trouverai grand-chose. Là, il faut que j'aille à la Baule, en revanche, parce que les archives du ministère des Affaires étrangères français sont à la Baule, parce que la Tunisie voilà. N'était pas à Nantes. La Baule, en fait, c'est dans... Ouais. Mais, voilà, parce que c'est la Tunisie, c'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est à Aix, si seulement. Mais la Tunisie, c'est à il faut que j'aille à Nantes. Voilà. Ah, ça m'intéresse. Tu sais plus le nom non plus? Ah ben, tu me diras, tiens. Tu me diras, oui. Ah bah oui, ça m'a... Si, je ne sais pas, mais à mon avis, le plus connu, parce que quand il est arrivé en Tunisie, il y avait déjà un certain Niccolò Converti, qui était déjà en Tunisie depuis la fin du 19e siècle. Et souvent, quand on parle du mouvement anarchiste en Tunisie, en fait, c'est autour de cette figure-là. D'ailleurs, il en a publié une biographie, Damien, et enfin, ils se sont connus forcément, il était déjà très âgé, il est mort en 1930 et quelques, j'ai oublié la date, donc il a publié une biographie de Converti. Mais en général, ce que j'ai trouvé, mais peut-être que je me trompe, j'espère bien me tromper, les études qui ont été faites portent plutôt sur la fin du 19e, au début 20e, pas sur la période où était Damian. Il y avait un petit groupe quand même, hein, parce que quand il arrive en Tunisie, il n'est pas tout seul. Et puis, il y a aussi des Italiens qui sont déjà naturalisés français, donc qui peuvent plus facilement publier des journaux, par exemple. Je ne sais pas si je vous ai parlé du périodique auquel il participe, qui s'appelle Domani, à Tunis. Il est en fait le responsable, ce n'est pas un Italien, c'est un naturalisé français, parce que sinon... Il restait pas 3 jours, quoi. Hein. Et comme ils étaient tous sans papier, en fait, tous tolérés, après avoir été expulsés d'à peu près tous les pays d'Europe, parce qu'après la Belgique, il est revenu en France clandestinement, mais il s'est fait prendre. Donc il est reparti, il a été en prison pour ça, et là il s'est dit qu'il en avait marre de la prison, donc c'est là qu'il a décidé de repartir. Il est descendu l'Espagne et puis... Alors, il a à Paris, par exemple, il y a eu une polémique, par exemple. Bon, j'aurais pu creuser aussi un petit peu plus là, donc je te donne ce que je sais sans avoir vraiment creusé. Par exemple, donc tous ces efforts en fait en exil, à partir de, contrairement au Brésil où vraiment il s'est intégré, on peut dire, hein, il écrivait même après dans la presse anarchiste en langue portugaise. Bon, c'est juste après qu'il est parti. Bon, mais en tout cas, quand il, bon, d'abord il a beaucoup changé. Hein, il n'est pas resté, je ne pense pas qu'il soit resté plus de 2 ans au même endroit. À Marseille, c'était 6 mois, après c'était... Hein, et puis il devait toujours trouver des fausses adresses, etc. Donc je pense qu'il n'avait vraiment pas le confort matériel, disons, pour créer des liens importants. Mais en tout cas, au moment où il était à Paris, et pendant sa période de clandestinité, il y a eu une polémique avec Sébastien Faure. Parce que tous ses efforts à lui, c'était contre le fascisme, hein, pour l'anarchisme, mais aussi contre le fascisme. Il fallait absolument débarrasser l'Italie de ce régime. Et donc, il reprenait un slogan, il reprenait à l'envers un slogan qui disait « Tous les hommes, tous les sous ». C'était un slogan d'ailleurs de la fin du 19e siècle, on disait « ni un homme, ni un sou pour les guerres coloniales hein. ». C'était Andrea Costa qui avait dit ça. qui avait utilisé ça, du moins en Italie, je ne sais pas si c'est lui qui avait inventé la formule. Et donc, il y a eu cette polémique avec le mouvement libertaire qui, lui, français, qui se disait pacifiste en tout cas, et donc qui refusait ce que proposaient les anarchistes italiens, en tout cas Damiani, c'est-à-dire une lutte frontale contre le fascisme. Mais je pense qu'il devait se connaître, s'échanger, mais il a surtout évolué dans les milieux italiens. Surtout. Je ne pense pas qu'il était francophone au début. Donc il savait forcément très bien le portugais, mais il ne savait pas le français en arrivant. Donc il lui a fallu aussi le temps d'apprendre le français. Et ensuite, il devait le savoir assez bien parce qu'il s'est mis à traduire Victor Hugo, par exemple. Il a traduit Louise Michel. Il a pour un almanach libertaire. Trovitti me politiche, c'est aussi dans ce cadre que se faisaient ces manifestations théâtrales. Il a traduit des poésies du français, mais c'était 15 ans après, tu vois. Donc je pense qu'au début, il n'avait pas la langue suffisamment, il n'était pas suffisamment, et puis il évoluait vraiment dans un milieu italien, ce qui n'était pas difficile, aussi bien à Marseille qu'à Paris, qu'en Belgique. C'était pas difficile de vivre en Montclos. Voilà. Aussi, oui, bien sûr, oui. Alors, elle a été surtout importante après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Belgique avait signé avec l'Italie un accord tant d'hommes, tant de sacs de charbon, comme la France aussi, d'ailleurs. Mais il y avait déjà des anarchistes italiens avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait déjà des Italiens. Et puis, il y avait aussi des exilés. Il y avait le Luxembourg. En revanche, au Luxembourg, il y en avait déjà beaucoup, même avant. Donc, ça se suit. Et d'ailleurs, il raconte qu'il passe à Esch-sur-Alzette. C'est ma ville natale. ça m'amusait parce qu'en fait, il passe la frontière clandestinement. Il fait croire à un moment qu'il est en Allemagne. Parce qu'il avait quand même. Oui, je serais, voilà. Mais en fait. Mais voilà. Et puis il repasse en France pour aller à Paris, enfin, sous un faux nom, etc. On peut suivre ça assez bien, justement, grâce à ce fascicule personnel que j'ai retrouvé quelques années après. Parce que la police fasciste le croyait partout. Il y a un moment, dans les années 30, ils avaient réussi à faire courir des bruits. Il était partout. Il a fallu que sa femme meure pour qu'enfin. Le lundi qu'on prenne.